إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc comme prévu, on va commencer maintenant inshallah la deuxième conférence dans la série de conférences du Cheikh Saleh Al-Fawzan. La première conférence était au sujet du tawhid et du fait que c'est la da'wa de tous les messagers. Et maintenant, on commence la deuxième conférence qui est Makanatus Sunna fil Islam, c'est-à-dire le statut de la Sunna dans l'islam. Et donc, c'est une conférence également de Cheikh Saleh Al-Fawzan sur ce sujet. Et le Cheikh explique et clarifie ce sujet-là avec beaucoup d'explications détaillées et avec beaucoup de preuves du Coran et de la Sunna. Et vous allez voir, Inch'Allah, à la fin de cette conférence, que le sujet, Alhamdulillah, sera clarifié et bien établi avec des preuves. Donc il dit le Cheikh, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alameen, Wassalatu wassalamu ala Nabiyyina Muhammad, خاتم النبيين القائل ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه وبعد فإن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا على حين فترة من الرسل ودروس من السبل فبصر به من العمى وهدى به من الضلالة وبلغ البلاغ المبين حتى ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها وقال عليه الصلاة والسلام إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي وقال عليه الصلاة والسلام من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Donc le Cheikh il dit, pour commencer, louange à Allah le Seigneur des mondes et paix et salut sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes, celui qui a dit: certes, j'ai été donné, ou on m'a donné le Coran et quelque chose de semblable avec. Et quelque chose de semblable avec. Et ensuite, il dit: certes, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ses messagers, ou a envoyé son messager avec la guidance et la religion de vérité, comme avertisseur et annonciateur, comme avertisseur et comme annonciateur d'une bonne nouvelle, et comme une lanterne qui éclaire. Alors qu'il n'y avait pas eu de messager depuis une longue période, et il est venu avec des leçons et une voix qui clarifie la vérité et qui fait voir ceux qui sont aveugles et qui guide de l'égarement. Et il a transmis le message de manière claire jusqu'à ce qu'il laisse sa umma sur une voie qui est éclatante et sa nuit est comparable à son jour dans la clarté, dans le fait qu'elle est claire. Et il a dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vous laisse deux choses, tant que vous resterez accrochés à celles-ci, vous n'allez jamais vous dévier, vous n'allez jamais vous égarer, et c'est le livre d'Allah et la, ma sunna. Et il mentionne également un autre hadith dans yani Abu Dawood, qui est le hadith de Al-Irbad ibn Sariya, dans lequel le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: et celui qui vit parmi vous, il verra beaucoup de divergences. Alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Accrochez-vous à celle-ci et mordez dedans avec vos molaires, et prenez garde aux choses inventées dans la religion, car toute nouvelle chose est une bid'a, et toute bid'a est un égarement. Toute bid'a est égarement. Et le cheikh il dit ensuite: inna mawdou'a hadithana ilaykum fi hadhihi al-jalsa al-mubaraka inshallah huwa hawl as-sunnah an-nabawiyyah wa makanatiha fi l'islam. Donc, il dit que le sujet de notre assise aujourd'hui et de notre sujet, c'est au sujet de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de son statut dans l'islam. As-sunnatu fil lugha tutlaq wa yuradu biha at-tariqa, sawa kana at-tariqa tayyiba aw sayyi'a, wa hadha fil lugha. Qala ta'ala: fa hal yanzuruna illa sunnata al-awwalin. أي الطريقة أو العادة التي جرى عليها حكم الله سبحانه وتعالى في المكذبين المخالفين للرسل. فسنة الله في المكذبين أن يعاقبهم ويأخذهم بالعذاب لما خلفوا لما خالفوا الرسل. هذه سنة الله جل وعلا في المكذبين. قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طرق من كان قبلكم من الأمم، مما يدل على أن السنة يراد بها الطريقة في اللغة. Donc le cheikh il commence par donner une définition linguistique de la sunna et qu'est-ce que ça signifie selon la langue arabe. Et il dit que yani dans la langue le mot sunna signifie une façon, une voie, un chemin. Et ça peut être utilisé pour une bonne façon ou quelque chose de bien ou de mauvais, selon sa signification linguistique. Et il mentionne comme exemple le verset 43 dans Surat Fatir, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ. Est-ce qu'ils attendent autre chose que la sunna des gens qui sont venus dans les périodes précédentes ou dans les peuples précédents? Il y en a parmi les premières nations qui ont dévié et qui ont opposé la voie des messagers. C'est-à-dire, est-ce qu'ils attendent un autre traitement ou une autre voie ou une autre façon d'être traités que la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala a traité ceux qui ont traité ceux qui ont accusé les messagers de mensonges et qui les ont accusés d'être des menteurs et qui ont contredit leur voie. Donc, la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala envers les gens qui traitent les messagers de menteurs, c'est de les punir. C'est de les punir et de les prendre par son châtiment. Étant donné qu'ils ont contredit leurs messagers et qu'ils ont opposé ce que leurs messagers ont amené. Et il mentionne comme exemple également la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans Al-Bukhari et Muslim, dans lequel il dit: لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. Vous allez suivre la voie et les exemples de ceux qui vous ont précédé, ceux qui étaient là avant vous, c'est-à-dire les gens qui vous ont suivi parmi les juifs et les chrétiens, parmi ceux qui ont dévié. Donc c'est un avertissement, et ça prouve que le terme sunna dans la langue arabe, il peut être utilisé pour désigner une voie qui est bonne ou mauvaise. Donc ça peut être utilisé pour quelque chose de bien ou quelque chose de mal, une façon qui est bonne ou mauvaise. أما استلاح علماء الشرع من المحدثين وأصوليين وفقهاء فالسنة يراد بها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وبعضهم زاد أو صفة وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور فهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا تعريفها عند علماء الشريعة. أما أهميتها ومكانتها في الإسلام فمكانتها عظيمة ومنزلتها جليلة، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن، لأن أصول الدين أولا كتاب الله عز وجل الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى والبيان، والأصل الثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما بعدهما من أصول الأدلة. Donc le cheikh il explique que ensuite dans la définition et dans les terminologies que les ulama de la sharia ont donné, hein, les définitions religieuses que les ulama ont donné au terme sunnah, que ce soit yani dans le langage des muhaddithin ou dans le langage des ulama de usul al-fiqh ou dans les ulama, dans le langage des fuqaha de l'islam, eh bien il désigne, ou ce qu'il désigne par le terme sunnah, c'est tout ce qui a été affirmé de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui a été attribué au messager sallallahu alayhi wa sallam de façon authentique comme étant une parole de lui ou une action ou une chose qu'il a approuvée, ou une chose qu'il a approuvée, donc une parole, une action ou une chose qu'il a approuvée, et certains d'entre eux ont ajouté également et une description, c'est-à-dire la description physique et la description également du comportement et du caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils font également entrer ça dans ce qui est désigné par le terme sunnah. Donc ça c'est la définition selon les ulama de la sharia. En ce qui concerne l'importance de la sunnah dans l'islam et de son statut, eh bien c'est quelque chose de grand, et c'est quelque chose qui a une importance très grande, parce que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle vient en deuxième après le Coran. Et c'est un des fondements parmi les fondements de la religion. Et certains ulama, même, ils considèrent que c'est au même degré que le Coran, puisque c'est une révélation divine. Tandis que d'autres ulama, ils clarifient que c'est au deuxième degré, mais les deux sont une révélation quand même, mais il le divise en deux catégories quand même, de cette façon. Donc, il dit premièrement, la première référence pour nous en tant que musulmans dans l'islam, c'est le livre d'Allah, celui qui a été révélé sur son messager, qui contient la guidance et la clarification, et les détails de la vérité, yani les explications de la vérité. Ça, c'est la première source pour les musulmans. C'est le livre d'Allah, le Coran. Et la deuxième référence, c'est la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, les autres fondements parmi les fondements des preuves de la sharia, comme par exemple al-ijma' et al-qiyas et les autres références de la sharia. Mais les deux principales références et les deux premières sources de la sharia de l'islam, c'est le Coran et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh dit وما بعد هذين الأصلين راجع إليهما. Donc toute autre source pour la charia, des autres preuves après le Coran et après la Sunna, eh bien elles dépendent du Coran et de la Sunna et elles reviennent au Coran et à la Sunna. فأساس أصول الأدلة في الإسلام هما هذان الأصلان العظيمان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا أوصى بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. Donc le cheikh dit que la base des références et des fondements des preuves dans l'islam, ce sont ces deux là, c'est les deux grands fondements, le Coran et la Sunna. Et c'est pour cette raison-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enjoint de nous accrocher à ces deux sources et à ces deux fondements-là dans le hadith rapporté par l'imam Malik, rahimahullah, dans Al-Muwatta, dans lequel il dit « Je vous ai laissé deux choses, tant que vous restez accrochés à celles-ci, vous n'allez jamais vous égarer après moi, le livre d'Allah et ma sunnah. » وذلك لأن السنة النبوية وحي من الله كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فالسنة وحي من الله أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الوحي للناس فيما يأمر به وينهى عنه. Donc le cheikh il explique que la sunna elle est une révélation divine. La sunna, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle est une révélation divine. C'est une wahy, hein, qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah, il le mentionne dans Surat al-Najm, le verset 3 et 4, il dit, et il ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée. Donc, la sunna, elle est une révélation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la même façon que le Coran, hein. La même manière que le Coran est une révélation, la sunna aussi est une révélation. Et c'est une révélation que Allah subhanahu wa ta'ala envoie à son messager, et le messager, il transmet cette révélation-là aux hommes par ce qu'il leur donne et par ce qu'il interdit. والسنة أيضا بيان للقرآن وتفسير له وتوضيح له تفصل مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عامه وقد تنسخ بعض الأحكام فالسنة مبينة للقرآن ومن هنا تتجلى لنا أهمية السنة حيث أنها تفسير للقرآن وتبيين له قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. Donc le cheikh il dit la sunna, elle est également une clarification du Coran et une interprétation du Coran et une clarification du Coran, et elle vient détailler ce qui est global et général, et elle vient restreindre ce qui est pas restreint dans la révélation, et ce qui est, elle vient restreindre ce qui est général aussi. Et ça se peut également que la sunna vienne abroger certaines règles aussi dans la charia. Donc, la sunna, elle vient clarifier le Coran et expliquer le Coran, et c'est là qu'on peut comprendre l'importance de la sunna dans l'islam, puisqu'elle vient expliquer et interpréter le Coran. Comme Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 44, dans Surat al-Nahl, il dit, et nous avons révélé sur toi le rappel pour que tu puisses clarifier pour les hommes ce qui a été révélé pour eux. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il dit, فَاللَّهُ أَنْزَلَ الْقُرْآنَ وَوَكَّلَ بَيَانَهُ إِلَى رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le Coran et il a légué la clarification de ce Coran à son messager صلى الله عليه وسلم. وهذا البيان هو السنة كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. Donc le cheikh il dit, nous n'avons envoyé de messager excepté qu'il est venu avec la langue de son peuple pour qu'il puisse leur clarifier. نعم طيب. Donc la sunna vient clarifier le Coran. فهذه الأمة جاء رسولها ليبين لها. Donc la sunna, le messager, il vient pour clarifier à un peuple qu'est-ce qui est révélé dans la révélation qui lui est transmise par Allah, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là maintenant le cheikh il va énumérer des exemples de clarification dans la sunna pour nous faire comprendre un peu plus de quelle façon le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié la révélation. Donc il dit, فمثلا الله عز وجل أمر بالصلاة في القرآن لكنه لم يبين عدد الركعات ركعات الفجر الظهر العصر المغرب العشاء. قال تعالى أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. وقال سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة. فالآيات في هذا كثيرة. فالله جل وعلا أمر بإقام الصلاة لكنه لم يبين كيفية هذه الصلاة وعدد ركعاتها لم يبين مواقيتها. وإن كان ذكر المواقيت وإن كان ذكر المواقيت سبحانه ذكرا مجملا. Donc le cheikh il explique que, comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné dans le Coran la salat, mais il ne l'a pas détaillé, comme s'il n'a pas expliqué le nombre de rak'at qu'on doit faire dans chaque salah. Hein? Il a expliqué, il a ordonné de façon générale de faire la salat, mais il n'a pas détaillé le nombre de rak'at, par exemple. Combien de rak'at il faut faire pour Fajr? Combien de rak'at il faut faire pour le Dhuhr? Ou pour le Asr? Ou pour le Maghreb? Ou pour le Isha? C'est pas détaillé dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 45 dans Suratul Ankabut, et établit la salat, certes la salat, elle t'empêche ou elle interdit de faire les turpitudes et le munkar, le mal. Et il mentionne également le verset 5 dans Suratul Bayyina, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en lui vouant une religion pure, en s'écartant du shirk et en adorant que Allah subhanahu wa ta'ala en hunafa, et pour établir la salat, hein, et d'établir la salat. Donc, également il mentionne Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, et si ils se repentent, c'est-à-dire si les mushrikoun se repentent du shirk et acceptent l'islam, et qu'ils établissent la salat. Hein? Donc, il y a plusieurs versets qui mentionnent l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala d'établir la salat. Mais il ne nous a pas détaillé comment faire la salat. Hein? Il nous a seulement ordonné de la faire et de l'établir. Mais le nombre de raka'at et les différents temps de chaque prière, ça n'a pas été expliqué de façon détaillée, même si de façon générale et globale, on retrouve dans la révélation la mention de différents moments pour établir la salat. Comme par exemple dans le verset 78, dans Sourate Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Donc il mentionne un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, établis la salat au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit et la récitation à l'aube. Certes, la récitation à l'aube, hein, eh bien, elle a des témoins. Donc ça c'est au sujet de salat Qur'an al-Fajr, les ulama ont dit c'est la salat de Fajr, hein, salat de la prière de l'aube. Et il mentionne également le verset 17 et 18 dans sourate Rum, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahu alhamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyan wa hina tudhhirun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et glorifie Allah subhanahu wa ta'ala le soir et le matin, et c'est toute la gloire lui appartient dans les cieux et sur la terre, et également l'après-midi et en milieu de journée. فهذا فيه ذكر للأوقات ولكنه ذكر مجمل ومن الذي يبين هذا يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي نصلي الظهر أربع ركعات وفي السفر ركعتين قصرا والعصر أربع ركعات وفي السفر ركعتين قصرا والمغرب ثلاث ركعات في السفر والحضر لا تقصر والعشاء أربع ركعات في الحضر وركعتان في السفر قصرا والفجر ركعتان في الحضر وفي السفر. Donc le cheikh il explique qu'il n'y a pas donc de détail dans la question des temps de la prière, ce n'est pas détaillé dans le Coran. Et le cheikh il dit, mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a clarifié et a expliqué ces choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié avec ses compagnons et il a dit, priez comme vous m'avez vu prier. صلوا كما رأيتموني أصلي. Donc à cause de ça, on fait le dhuhr 4 rak'at. Et quand on est en voyage, on raccourcit cette prière, on n'en fait que 2 au lieu de 4. La même chose pour la prière de Asr. On prie 4 rak'at. Sauf en voyage, on n'en fait que 2 parce qu'on la raccourcit. Salatul Maghrib, c'est 3 rak'at. Qu'on soit chez soi ou qu'on soit en voyage, ça ne change pas. On ne la raccourcit pas. Tandis que Salatul Isha, elle est 4 rak'at, et lorsqu'on voyage, on la diminue à 2 rak'at, on la raccourcit. Tandis que Salatul Fajr, elle reste toujours le même nombre, qu'on soit en voyage ou non. Ça, c'est sur la question du nombre. وَمِنْ نَاحِيَةِ الْمَوَاقِيتِ الرسول صلى الله عليه وسلم بين المواقيت، صلى العصر لميقاتها، والمغرب لميقاتها، والعشاء لميقاتها، والفجر لميقاتها. وفي الحديث الصحيح أن جبريل عليه السلام أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، وقال الصلاة بين هذين الوقتين، فبين صلى الله عليه وسلم لنا الصلاة. فإذن بدون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا نعرف ولا يمكن أن نعرف كيفية الصلاة، وإن كنا عرفنا وجوبها من القرآن الكريم. Donc le cheikh il dit que sur le plan de la question du temps et des différents temps de la prière, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a prié chaque prière et il nous a expliqué le temps de chacune d'entre elles. Il nous a expliqué le temps de la salat al-asr et al-maghrib et al-isha et al-fajr. Et dans un hadith qui est authentique, il y a même la mention que Jibril alayhi salam il est venu et il a dirigé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en prière au début et à la fin du temps de chaque prière. Et il lui a dit, la prière, elle est entre ces deux temps-là. C'est-à-dire, tu as entre ce moment-là et celui-là pour faire cette prière. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué les moments, les différents moments et les différents temps de la prière. Et sans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, on ne pourrait pas savoir comment faire la salat. Même si on peut connaître de façon générale son obligation dans le Coran al-Karim. ومما يدلنا على أن الله وكل بيانها لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو بيان عملي وبيان قولي. ولهذا لما جاء جماعة من الذين ينكرون السنة من الخوارج جاءوا إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وطرحوا عليه هذا السؤال أنهم إنما يعترفون بالقرآن ولا يعترفون بالسنة، قال لهم عمر رضي الله عنه الله جل وعلا أمرنا بالصلاة في القرآن فكيف نصلي؟ هاتوا لي آية من القرآن تبين كيفية الصلاة. فعند ذلك انبهتوا وانقطعت حجتهم واعترفوا بأنه لا بد من السنة، والله جل وعلا أمر بالزكاة في القرآن. Donc le cheikh il explique maintenant que parmi les choses qui prouvent que Allah subhanahu wa ta'ala a légué ou a chargé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'expliquer les détails de comment on doit prier et comment on doit appliquer les détails de la religion, il y a son exemple pratique et son exemple dans ses paroles, comment il nous a expliqué comment faire ces différentes choses. Et ensuite, le cheikh il mentionne qu'il y a un groupe parmi les gens qui rejettent la sunna, parmi des groupes d'égarements, comme les khawarij par exemple, un groupe de khawarij qui sont venus et qui rejetaient la sunna. Ils sont venus voir Omar ibn Abdul Aziz, un des khulafa, radiyallahu anhu. Et ils lui ont posé la question, en lui disant qu'eux, ils ne reconnaissaient que le Coran, et ils ne reconnaissaient pas la sunna. Alors, Omar ibn Abdul Aziz leur a dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans le Coran de faire la salat. Alors, comment doit-on faire la salat? Donnez-moi un verset dans le Coran où il y a l'explication de comment on doit établir la salat, et ils sont restés bouche bée. Ils sont restés bouche bée et ils ont reconnu qu'ils n'avaient plus d'arguments, et ils ont reconnu qu'il faut absolument suivre la sunna. On ne peut pas se passer de la sunna. Ensuite, le cheikh il dit, « Wallahu amarana bizzaka fil Qur'an. Fakayfa na'rif كيف نعرف الأموال التي تجب فيها الزكاة إلا من السنة؟ فقد بين صلى الله عليه وسلم الزكاة إنها تجب في الذهب والفضة والحبوب والثمار وبهيمة الأنعام وعروض التجارة، لا تجب في الأموال وإنما تجب لا تجب في كل الأموال وإنما تجب في هذه الأموال النابية التي هي الحبوب والثمار والنقدان وسائمة بهيمة الأنعام كما بين صلى الله عليه وسلم المقدار الذي يؤخذ في الزكاة وهو مثلا الحبوب والثمار والخارج من الأرض العشر أو نصف العشر حسب المؤونة وعدمها ومن الذهب والفضة ربع العشر ومن الغنم في أربعين شاة شاء وفي الإبل بين صلى الله عليه وسلم انصبائها في خمس من الإبل شاه وفي العشر شاتان وفي الخمس عشر ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه وفي الخمس والعشرين بنت مخاض وفي الستة والثلاثين بنت لبون وهكذا بين انصباء الإبل وما يجب فيها وبين أسنان الواجبات فيها وهكذا. Donc, le cheikh explique ensuite que comment on peut savoir également la question de la zakat, comment on doit la donner et sur quel de nos biens est-ce qu'il est obligatoire pour nous de payer de la zakat. Il est impossible pour nous de le savoir excepté dans la sunna, c'est-à-dire les détails de ça, ils ne se trouvent que dans la sunna. Donc, la zakat, la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la sunna, il nous a expliqué ce qui est obligatoire dans les biens. Il nous a expliqué qu'il y a de la zakat à payer sur l'or et sur l'argent, sur les grains, hein, et les fruits secs, et sur les bétails également, et sur les marchandises qu'on garde pour vendre. Et il dit que donc la zakat, elle n'est pas obligatoire sur tous les biens qu'on possède, mais bien sur des certaines catégories de biens qu'on possède, parmi les biens qui peuvent croître ou bien qui peuvent augmenter, s'agrandir. Et il mentionne comme exemple les grains et les fruits, parmi les fruits secs qui peuvent se préserver. Et il mentionne également les deux monnaies qu'on utilisait, l'argent et l'or, et également les bétails et les animaux qu'on garde pour, comme les animaux de ferme et les vaches, les chameaux et les moutons et ainsi de suite. Et il nous a expliqué la quantité de zakat qu'on doit payer sur chacune de ces différentes formes de biens. Et il donne comme exemple, par exemple, sur les grains et sur les fruits. Qu'est-ce qu'on doit, de tout ce qui sort de la terre, de ces catégories-là, on doit donner un dixième ou la moitié d'un dixième, selon le travail qu'on dépense ou qu'on fait pour irriguer la terre de ces récoltes-là ou non. Hein? Donc il y a une différence de limite de zakat ou de proportion qu'on doit donner comme zakat si il est irrigué par lui-même, c'est-à-dire par la pluie, ou bien si il est irrigué par notre effort, la proportion qu'on doit donner de zakat, elle est différente dans un cas par rapport à l'autre. En ce qui concerne la quantité ou la proportion qu'on doit donner de zakat sur l'argent et sur l'or, c'est rub' al-ushur, c'est-à-dire 2,5%, hein, ça veut dire un quart de dixième, et il dit « wa min al-ghanam fi 40 sha'. » Donc ça veut dire, c'est par rapport aux moutons, eh bien on donne sur 40 moutons, on doit donner un. Et pour qu'est-ce qui a rapport avec les chameaux, par exemple, eh bien, si on en a 5, eh bien, il faut donner un mouton. Et si on en a 10, on donne 2 moutons. Et si on en a 15, on donne 3 moutons. Et si on en a 20, on donne 4 moutons. Et si on en a 25, on doit donner bint mahad, hein, une vache qui a un certain nombre d'années. Et si on en a 30, à partir de 36, on donne bint laboun. Donc ça, c'est des différents noms pour selon l'âge de l'animal, on lui donne un nom spécifique. Et aussi si elle est en, lorsqu'elle a en tout cas des détails de ces différents noms de Bint Makhat, Bint Laboul, qu'est-ce que ça veut dire, lorsqu'elle a eu un enfant et lorsqu'elle a du lait et ainsi de suite. Donc, ça c'est pour désigner par exemple les différentes choses qu'on doit donner pour les différentes quantités de bétail qu'on possède. Tout ça c'est expliqué dans la Sunna de façon détaillée et bien précise. Et donc, la même chose pour les chameaux et ainsi de suite. Donc, tout ça c'est clarifié et il est obligatoire donc pour quelqu'un qui possède des biens et des richesses de ces catégories-là de connaître les différentes proportions ou quantités qu'il doit donner pour chaque chose, pour être capable de remplir son obligation qui est de payer la zakat. Voilà où la wujud as-sunnah النبوية ما عرفنا كيف نزكي وإن كنا عرفنا وجوب الزكاة من القرآن ولكن كيف نعرف المقادير وكيف نعرف الأموال الزكوية ومتى تجب الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها بالحول إذا حال الحول على غير الحول على غير العشرين فلا تجب الزكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا العشرات وفي الخارج من الأرض يجب فيه زكاة عند صلاحه إذا بدا صلاحه كما قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. هذا في الزكاة. Donc le cheikh il explique que si ce n'était pas de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on ne pourrait pas savoir comment donner la zakat, même si on connaît l'obligation de la zakat. Donc on a besoin de la sunna pour nous expliquer les détails de la proportion et de la quantité qu'on doit payer de la zakat. Et aussi de savoir également quand est-ce que la zakat devient obligatoire. Donc le cheikh il explique que il y a des catégories de zakat, comme par exemple sur l'argent et des choses de ce genre. Eh bien, la zakat est obligatoire à chaque année. Hein, après une année complète que tu as eu ces biens-là, par exemple, si tu as possédé le nisab, la somme minimale d'argent, yani, par exemple, les ulama disent que c'est 85 grammes d'or. Donc, si tu possèdes la valeur de 85 grammes d'or et que tu l'as gardé en économie pendant plus qu'une année, à partir d'une année, tu dois donner sur cette somme 2,5%. Hein, et c'est ça le nisab. Et c'est ça à partir d'une année, ça devient obligatoire pour toi de donner la zakat sur cet argent-là. Toutefois, il y a pour d'autres biens, comme par exemple les fruits et les grains et ainsi de suite, eh bien, la zakat, elle devient obligatoire au moment où les fruits deviennent bons. Et qu'ils sont comestibles, qu'ils peuvent être mangés lors de la récolte. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, comme c'est mentionné dans le verset 141 dans Sourate Al-An'am. Donc ça c'est en ce qui concerne la zakat. وَكَذَلِكُمْ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَىٰ أَمَرَ بِالصِّيَامِ رَمَضَانِ وَهُوَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ ولكن ما هي حدود الصيام ومفسداته ومبطلاته والأمور التي يتجنبها الصائم؟ التفاصيل هذه جاءت بها السنة. الحج إلى بيت الحرام, قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نأخذ من هذه الآية أن حج البيت واجب, ولكن متى وما كيفية الحج وما مناسك الحج؟ وهذه بينها النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بالناس حجة الوداع, قال خذوا عني مناسككم. فبين صلى الله عليه وسلم مناسك الحج واحدا واحدا وأمر بأن نأخذها عنه صلى الله عليه وسلم كما رويت, يعني كما رواها لنا من شاهدها ومن فعله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique que de la même manière en ce qui concerne l'ordre d'établir le jeûne du Ramadan, qui est un des piliers parmi les piliers de l'islam, quelles sont les limites du Ramadan, quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit, qu'est-ce qui annule et qu'est-ce qui vient annuler le jeûne, quelles sont les choses que si tu les fais, ton jeûne sera nul ou annulé, ou quelles choses dois-tu éviter durant ton jeûne, quels sont les détails de ces choses-là. Tout ça c'est mentionné dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la même chose au sujet du hajj. Lorsque tu veux faire le pèlerinage à la maison d'Allah, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 97 dans surat Al-Imran, et « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ » C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux hommes de faire le hajj à sa maison pour celui qui en a la capacité. On peut prendre de ce verset-là l'obligation du hajj. Mais comment doit-on faire le hajj? Le cheikh il dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué les rites du hajj. Hein? Et lors de son dernier hajj, le hajj d'adieu, il a dit aux musulmans, « Khudhu anni manasikakum, prenez vos rites de moi. Hein? Prenez vos rites de hajj de ce que je fais, de mon exemple. » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué chacun des rites du hajj un par un, et il a ordonné donc qu'on prenne notre hajj de ceux qui l'ont rapporté parmi ceux qui ont été témoins de ses gestes et de ses paroles durant sa vie. Et le cheikh il dit ensuite, wallahu jalla wa ala amara bi qat'i yad as-sariq walakin qat'u yad as-sariq la budda min shurut لم تذكر في القرآن وبينتها السنة بينت أنه لا يقطع السارق إلا إذا سرق نصابا وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم والقطع من أين فاقطعوا أيديهما أين حد اليد التي تقطع بالسرقة النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا أنها تقطع من مفصل الكف ويسمى الكوع وهكذا. Donc le cheikh il dit, de la même manière que Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné de couper la main du voleur, mais il n'a pas donné de détails dans le Coran au sujet de cette question. Donc il faut qu'il y ait des conditions, hein, et ces conditions là elles n'ont pas été détaillées ou clarifiées dans le Coran, mais elles ont été clarifiées dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est-à-dire qu'on ne coupe pas la main pour quelqu'un qui a volé quelque chose qui est en dessous de la valeur d'une nisab, hein, pour le vol, et c'est un quart de dinar ou trois dirhams. Ce n'est pas les dinars ou les dirhams de notre époque actuelle, c'est les dinars et les dirhams de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'à son époque, les pièces étaient en vrai or et en vrai argent, pas comme aujourd'hui, les pièces sont en différents métaux qui n'ont pas vraiment la même valeur. Donc, il faut savoir à quoi correspondent donc les dirhams de l'époque et les dinars de l'époque par rapport aux conversions, hein, aux valeurs de conversion et ainsi de suite. Donc, si quelqu'un vole quelque chose qui a une valeur plus grande que ça, eh bien, à partir de ce moment-là, la personne, il est obligatoire de lui couper la main. Mais encore là, lorsqu'on va couper sa main, d'où on va couper et à partir d'où, hein? Parce qu'en arabe, le mot yad, eh bien, ça comprend le bras au complet, hein? Le mot yad, en arabe, ça part des doigts jusqu'à l'épaule. Donc, est-ce qu'on va lui couper le bras au complet, hein? Ça, c'est pas expliqué, hein, dans le Coran en détail. Mais on le voit dans la sunna, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que c'est au poignet, hein, mafsalul kaf, c'est-à-dire, hein, à l'articulation de la main. Et qu'est-ce qu'on appelle en arabe? Al-kour. Donc, c'est à partir de cet endroit-là qu'on coupe. Et il y a plein d'autres détails aussi qui ne sont pas mentionnés dans qu'est-ce que le cheikh explique maintenant, mais qui font partie des règles aussi par rapport aux peines, par rapport par exemple à couper la main. Et dans un des durus qu'il a fait sur l'explication de Zad al-Mustaqni' ou bien de Umdatul Ahkam, si je me trompe, il expliquait qu'également il faut que l'argent soit bien mis dans un endroit où personne ne peut atteindre facilement cet argent-là. Donc si quelqu'un a laissé son argent sans, par exemple, verrouiller la porte ou sans la mettre à un endroit où on ne peut pas l'atteindre facilement, et que quelqu'un est venu et qu'il l'a volé, eh bien, il ne sera pas, on ne lui coupera pas la main. Dans des cas comme ça, il faut vraiment que la personne l'ait mis dans un coffre-fort ou dans quelque chose qui, yani, on a verrouillé les portes et tout, et là, quelqu'un a volé cet argent-là. Là, dans ce cas-là, oui, il sera, on lui coupera la main, mais pas dans le cas où la personne a fait preuve de négligence et il a laissé les choses ouvertes et qu'on lui a volé. Donc, ça, c'est des détails qui sont pas mentionnés dans le Coran, mais qui sont clarifiés dans la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le Cheikh, il dit: وأنا لا أقصد استكمال بيان السنة للقرآن وإنما أذكر نموذج وأمثلة فقط وإلا فبيان السنة للقرآن كثير وكثير. Donc le Cheikh, il dit, j'ai pas l'intention de commencer à donner toutes les exemples de des clarifications de comment la Sunna a expliqué le Coran, mais je donne seulement quelques exemples, quelques modèles seulement. Sinon, la clarification que la Sunna a fait du Coran, eh bien, c'est quelque chose qui est très nombreux. Il y en a beaucoup d'exemples. Et le Cheikh, il dit, maintenant, il commence à mentionner les preuves de l'obligation de suivre la Sunna et d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il dit, Wallahu jalla wa ala amarana bi ta'ati al-rasul sallallahu alayhi wa sallam. وأخبر أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم امتثال ما تثبت عنه صلى الله عليه وسلم من السنة والأعمال. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Donc le Cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'obéir à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il nous informe que celui qui obéit au messager, il a certes obéi à Allah. Hein? Donc il n'y a pas de différence entre l'obéissance du messager et l'obéissance d'Allah. Celui qui a obéi au messager, eh bien il obéit automatiquement à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans les ordres ou dans les interdictions. Dans les deux cas, hein, si ça vient, l'ordre vient d'Allah ou de son messager, ou l'interdiction vient d'Allah ou de son messager, eh bien c'est une ordre ou c'est une interdiction qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et donc dans ce sens-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 80 dans sourate An-Nisa, quiconque obéit au messager a certes obéi à Allah. Hein? Donc ceux qui font des distinctions entre les deux et qui disent, ah non, c'est seulement dans la sunna, moi, je veux juste qu'est-ce qui est dans le Coran, eh bien, tu lui donnes ce verset, hein, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, quiconque obéit au messager, il a certes obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh, il dit que parmi les exemples d'obéir au messager, il y a le fait de mettre en application tout ce qui a été rapporté de façon authentique dans la Sunna et dans les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il mentionne le verset 7 dans sourate Al-Hashr, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: et ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit de faire, abstenez-vous-en. Et ça, c'est une autre preuve, hein, du fait qu'on est obligé d'obéir au messager sallallahu alayhi wa sallam et de suivre sa sunna. Le Cheikh, il explique: فالله أمرنا أن نأخذ كل ما أتانا الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي والتشريعات وأن ننتهي عما نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم. Et donc le Cheikh, il dit donc que Allah nous ordonne de prendre tout ce que le messager صلى الله عليه وسلم nous donne comme ordre ou interdiction ou légifération, et il nous interdit, hein, il nous ordonne de s'abstenir de tout ce que le messager nous a interdit de faire. Allah Jalla wa Ala yuqarrin ta'at ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam bi ta'atihi. Qala ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa uli al-amri minkum. Qala subhanahu: qul ati'u Allah wa ar-rasul. Faqarana طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مع طاعته. Donc le Cheikh, il dit, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a réuni dans plusieurs versets dans le Coran le fait d'obéir au messager avec l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, il les met ensemble les deux. Hein? Et il dit, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez au messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et il mentionne le verset 32 dans sourate Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et obéissez à Allah, hein, dit, obéissez à Allah et au messager. Wa ati'u Allah wa rasoul. فقرن طاعة الرسول مع طاعته. Il a mis les deux ensemble. L'obéissance, il a Allah subhanahu wa ta'ala met l'obéissance de son messager avec son obéissance à lui. وتارة يذكر طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مفردة كما في قوله من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وقال سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله كما أنه سبحانه وتعالى أمرنا عند النزاع أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليفصل بيننا من النزاع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فردوه إلى الله. والرد إلى الله هو الرد إلى كتاب الله والرد إلى الرسول هو الرد إلى شخصه صلى الله عليه وسلم يوم أن كان حيا والرد إلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. نعم. Donc le cheikh il explique ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala parfois même il ordonne d'obéir au messager de façon indépendante, c'est-à-dire sans mentionner son obéissance auparavant. Donc il dit par exemple, ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. Et quiconque obéit au messager a certes obéi à Allah. Et dans l'autre verset, et établissez la salat et donnez la zakat et obéissez au messager pour que vous puissiez avoir la miséricorde. C'est le verset 52 dans sourate An-Nur. Et ensuite, il mentionne le verset 64 dans sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et nous n'avons envoyé de messager excepté pour qu'il soit obéi par la permission d'Allah. Et il dit que également lorsqu'il y a des divergences ou des désaccords ou des discordes, il nous ordonne de revenir au livre d'Allah et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam pour trancher entre nous dans les discordes, dans les désaccords et dans les divergences. Et il mentionne le verset 59 dans sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et si vous divergez en quoi que ce soit, alors ramenez-le à Allah et à son messager. Si vous croyez réellement à Allah et au jour dernier, ce sera meilleur et d'une meilleure conclusion pour vous. Alors, de le ramener à Allah, c'est de le ramener au Coran. Et de le ramener au messager, ça signifie de le ramener à lui, à sa personne, lorsqu'il était vivant, sallallahu alayhi wa sallam, et de la ramener à sa sunna après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. والأمر قائم والرد إلى كتابه وسنة رسوله مطلقا إلى يوم القيامة مما يدل على أن الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته هو الرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن السنة مصدر فصل النزاع بين الأمة إذا اختلفوا في الأحكام سواء اختلفوا في حكم ديني في عبادة من العبادات أو اختلفوا في أمور بينهم وخصومات بينهم وحقوق آدميين والرد والفصل في ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit que on doit donc de façon absolue ramener toute divergence au livre d'Allah et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au jour de la résurrection. Et le cheikh il dit que ça nous prouve que il faut ramener les choses à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam après la mort du messager sallallahu alayhi wa sallam, et ça nous montre que la sunna est une des références et une des sources pour trancher dans les disputes parmi les choses sur lesquelles il y a des désaccords ou des discordes dans la Ummah, que ce soit des divergences lorsqu'ils divergent ou lorsqu'ils ont des divergences dans les règles, peu importe que ce soit des divergences dans la religion comme dans la aqida ou bien autre sujet, ou bien dans les adorations, comment faire certaines adorations ou des choses de ce genre, ou bien que ce soit des divergences entre eux sur des questions de droit, hein, et des choses de ce genre. Donc tout ça, ça doit être ramené au livre d'Allah et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et non pas à d'autres systèmes ou à d'autres lois que celle qui est révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا يدل على أن السنة قريبة من القرآن وأنها أصل من أصول الشريعة الإسلامية ولا غنى للمسلمين في وقت من الأوقات أو حالة من الحالات عنها. لقد توعد الله سبحانه وتعالى الذين يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالوعيد، فقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. دل على أن من خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به وفيما نهى عنه أنه معرض للعقاب من الله، وقال الله سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، وقال عليه الصلاة والسلام: كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى، فقالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Donc le cheikh il explique que ça vient nous prouver que la sunna elle est très proche du Coran, et que c'est un fondement parmi les fondements de la sharia de l'islam, et que les musulmans ne peuvent pas s'en passer, peu importe l'époque et peu importe la situation. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a menacé ceux qui s'opposent à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam par une menace très sévère lorsqu'il dit: et ce que le messager d'Allah vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Wattaqullah, et craignez Allah, inna Allah shadidul iqab, Allah est certes sévère en châtiment. Et ça c'est ce qui prouve que de contredire la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam dans ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a ordonné et dans ce qu'il a interdit, eh bien celui qui fait une telle chose, eh bien il se place sous يعني la menace du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 50 dans suratul Qasas, il dit: et s'ils ne te répondent pas, alors sache qu'ils ne font que suivre leur passion. Sache qu'ils ne font que suivre leur passion. Et il mentionne un autre hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, dans lequel le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: vous allez tous rentrer au paradis. Et vous allez tous rentrer au paradis. Excepte celui qui refuse. C'est-à-dire celui qui ne veut pas rentrer, il ne va pas rentrer. Mais vous allez tous rentrer au paradis. Alors les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam ont dit: ô messager d'Allah, qui refuse? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va refuser d'entrer au paradis? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant: celui qui m'obéit, il va certes rentrer au paradis, mais celui qui me désobéit, c'est lui qui a refusé. فالذي يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم وخالف سنته قد أبى دخول الجنة وهو من أهل النار. قال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وذلك وعيد شديد لمن خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأحد أمرين. Donc le cheikh il dit ensuite que celui qui désobéit au messager et qui contredit sa sunna, alors il a certes désobéi, il a certes refusé d'entrer au paradis, et il est parmi les gens de l'enfer. A'udhu billah. Et le cheikh il dit, dans le verset, il mentionne le verset 63. Le verset 63 dans sourate An-Nur, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et que celui qui contredit son commandement prenne garde qu'il ne soit frappé ou atteint par une fitna ou qu'il soit atteint par un dur châtiment, un châtiment douloureux. Que celui qui contredit son ordre prenne garde qu'il ne soit frappé ou atteint par une fitna ou bien par un châtiment douloureux. Et le cheikh il dit qu'il y a dans ça une menace sévère pour quiconque contredit l'ordre du messager sallallahu alayhi wa sallam sur deux points. Premièrement, le cheikh il dit imma an tusibahu fitna fi qalbihi fayaziru an al-haqq wa yakfuru ba'da al-iman li'annahu khalafa amra ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa hadhihi 'uqubatun ashadd min allati ba'daha an tusibahum fitna ya'ni fi qulubihim bi'an yufsid Allah qulubahum بزيغ وضلال فلا تهتدي للحق فلا يهتدي بعد ذلك. Donc la première chose c'est que il va être atteint d'une fitna, une épreuve dans son cœur, une épreuve, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala va mettre dans son cœur la déviation, hein, la déviation, c'est-à-dire qu'il va dévier de la vérité et qu'il va rejeter la foi après avoir eu la foi. Parce qu'il a contredit l'ordre du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est un châtiment qui est plus dur que celui qui vient après, ou qui est mentionné après. C'est-à-dire qu'il soit frappé par une fitna. Et une fitna, c'est-à-dire dans leur cœur. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala va corrompre leur cœur, ou va faire dévier leur cœur. Hein? Et qu'il va mettre dans leur cœur l'égarement. Et qu'ils ne pourront jamais être guidés à la vérité par la suite. Et le deuxième point, وَالْعُقُوبَةُ الثَّانِيَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ عَذَابٌ فِي الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ وَالْأَمْرَاضِ وَالْهَلَاكِ الَّذِي يَحِلُّ بِالْكُفَّارِ الَّذِينَ خَالَفُوا أَمْرَ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَعَذَابٌ فِي الْآخِرَةِ فَلَا مَنَاصَ لِمَنْ خَالَفَ أَمْرَ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم مُتَعَمِّدًا مِنَ الْعُقُوبَتَيْنِ عُقُوبَةٌ فِي الْقَلْبِ والعياذ بالله وعقوبة في البدن أو في المال إما بالموت والهلاك أو بالعذاب أو إسلاف الأموال والنفس وهذا وعيد شديد لمن خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Donc le cheikh il explique ensuite que le deuxième châtiment qui est mentionné dans le verset 63 en sourate An-Nur, c'est un châtiment douloureux, c'est-à-dire un châtiment dans cette dunya, soit par la mort, parce qu'il va être, soit qu'il sera tué, ou soit qu'il va être atteint par des maladies, ou bien soit qu'il va périr, comme les châtiments qui atteignent les koufars qui ont contredit l'ordre du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien qu'il aura un châtiment dans l'au-delà, c'est-à-dire après la mort. Donc ça c'est quelque chose, hein, il ne peut pas s'en échapper. Quelqu'un qui contredit l'ordre du messager, sallallahu alayhi wa sallam, ne peut pas s'en échapper. Soit il aura ce châtiment-là ou l'autre. Et celui qui contredit l'ordre du messager, hein, volontairement et intentionnellement, eh bien celui-là, il aura un de ces deux châtiments-là. Soit un châtiment d'Allah dans son cœur, que Allah nous en préserve, ou bien un châtiment dans son corps ou dans ses biens, soit par la mort, ou soit par la perdition, ou soit par le châtiment, ou soit parce qu'il va perdre ses biens ou sa personne. Donc il y a dans ça une menace sévère pour quiconque contredit l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset 36 dans sourate Al-Ahzab. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décrété une chose, qu'ils aient encore le choix dans leur façon d'agir. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décrété d'une chose, qu'ils aient encore un choix dans leurs affaires. Et quiconque désobéit à Allah et au messager, c'est certes égaré d'un égarement évident. فقد ضل ضلالا مبينا وهذا بيان من الله سبحانه وتعالى أن المؤمن إذا علم حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فليس له خيار في أن يعمل به أو يقبله راضيا مطمئنا منشرحا صدره به فرحا به ليس له خيار أو خيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل لأنه هدى ولأنه خير فإن لم يعمل بذلك وزعم أنه بالخيار فقد ضل ضلالا مبينا والضلال ضد الهدى والضلال وضلال مبين ما هو ضلال سهل وإنما مبين يعني واضح لماذا؟ لأنه خالف طريق الصواب وطريق الصواب هو أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وطريق الضلال هو مخالفة أمر الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Donc le cheikh il explique ensuite que dans ce verset, le verset 36 dans sourate Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala il clarifie que le croyant, du moins qu'il connaît le verdict d'Allah et le verdict de son messager sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il n'a plus le choix dans sa façon d'agir par la suite. Il est obligé de l'accepter. Il est obligé d'en être satisfait. Il est obligé de se sentir en paix vis-à-vis de ce verdict. Il est obligé d'avoir le cœur ouvert et de se réjouir de ce verdict. Hein? Même si le verdict est contre lui. Hein? C'est comme il y en a des gens, par exemple, si on dit, on va te juger selon la charia, s'il sait que le verdict est en sa faveur, il se réjouit, il dit oui, allons-y. Hein? On va juger selon la charia d'Allah. Il est content. Mais si le verdict est contre lui, eh bien, il veut s'enfuir. Il veut aller vers une autre loi, vers un autre système. Non, le mu'min, il est satisfait dans les deux cas. Il est satisfait si le verdict est en sa faveur, et il est satisfait si le verdict est contre lui. Parce qu'il croit en Allah, et il croit en le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le cheikh, il explique, il dit, celui donc qui entend et qui connaît le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il n'a plus de choix. Il ne peut pas dire, bon, s'il veut, il le fait, s'il ne veut pas, il ne le fait pas, non. Parce que c'est une guidance, et parce que c'est un bien. Et donc, il n'a pas d'autre choix que de l'appliquer et d'accepter ce verdict. Et s'il croit qu'il a le choix, alors il s'est égaré d'un égarement évident. Et l'égarement, c'est le contraire de la guidance. Hein? Et l'égarement évident, ce n'est pas un égarement simple ou facile. Hein? C'est un égarement qui est évident. Ça veut dire quoi? C'est un égarement qui est clair. Et pourquoi? Parce que quiconque a contredit qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qui est vrai, hein, et le chemin correct et le bon chemin, qui est l'ordre d'Allah et de son messager, alors il est sur le chemin de l'égarement. Et il a contredit l'ordre d'Allah et de son messager, alors il s'est égaré d'un égarement clair et évident. وفي الأثر أن رجلا كان يأكل بيده اليسرى فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل بيمينه فقال الرجل لا أستطيع وهو كاذب لأنه يستطيع ولكن منعه الكبر من امتثال السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت يعني دعا عليه صلى الله عليه وسلم فعند ذلك يبست يده ولم يستطع رفعها بعد ذلك فما رفعها إلى فيه بعد ذلك عقوبة له وهذه عقوبة عاجلة والعياذ بالله ما منعه إلا الكبر. Donc le cheikh il dit, et il y a l'exemple dans le hadith d'un homme qui mangeait avec sa main gauche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de manger avec la main droite. Alors l'homme a dit, je ne suis pas capable. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un doua contre lui, il a dit, tu ne seras pas capable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un doua contre lui, il a dit, tu ne seras pas capable. Alors sa main est devenu comme figé, il ne pouvait plus la bouger. Hein? Et donc, il n'était plus capable de relever sa main vers sa bouche par la suite, parce qu'il avait refusé par arrogance et par fierté. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala l'a puni d'un châtiment dans cette vie d'ici-bas, wal'iyadu billah, parce qu'il avait refusé à cause de son orgueil, à cause de sa fierté. Hein? Et donc ça, c'est des exemples de qu'est-ce qui arrive à quelqu'un lorsqu'il contredit l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et l'ordre de son messager sallallahu alayhi wa sallam. وهذا دليل على أن من خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تكبرا أنه معرض للعقوبة والعياذ بالله. ورجل آخر رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يده خاتما من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ثم أخذه صلى الله عليه وسلم وطرحه على الأرض. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه والخاتم متروح في الأرض وصاحبه حاضر، قال الحاضرون: خذ خاتمك فانتفع به. فقال هذا الرجل المؤمن: والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الامتثال. انظر الفرق بين الرجلين، الأول يقول لا أستطيع تكبرا والعياذ بالله، وهذا قال والله لا أخذه، لا أخذ هذا الخاتم وقد يعني طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإيمان وهذا الامتثال العظيم. Donc le cheikh il donne l'exemple maintenant d'une autre chose qui s'est produite à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il dit et regardez, donc ça c'est la preuve que quiconque contredit la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam par arrogance, alors il est susceptible d'être châtié par Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadu billah. Et il y a un autre homme, comme je disais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu qu'il avait, cet homme avait dans sa main une bague en or. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu dans la main de cet homme une bague en or. Et on sait que dans l'islam, l'or est interdit pour les hommes. Hein? Donc quelqu'un n'a pas le droit de porter des bijoux ou de porter des bagues en or ou des chaînes en or ou des trucs de ce genre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ce sahabi avec une bague en or. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam muslim que l'un d'entre vous, c'est comme s'il mettait une braise, hein, ou un morceau de charbon qui brûle dans sa main, hein, il la met dans sa main, ou un morceau de braise de feu dans sa main. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la main de cet homme, il a retiré la bague qui était dans sa main et il l'a jetée par terre. Il a jeté cette bague en or par terre. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et qu'il est parti, et que la bague était restée par terre, alors les hommes qui étaient présents ont dit à cet homme qui avait cette bague: reprends ta bague, profite de cette bague, reprends-la. Et cet homme a dit: je ne vais jamais reprendre quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeté par terre. C'est-à-dire, une fois que le messager sallallahu alayhi wa sallam l'a jeté par terre, je jure par Allah que je ne vais jamais la reprendre. Et donc, regardez comment ce sahabi a mis en application, hein, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment il a eu du respect pour l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez l'exemple des deux hommes qu'on a mentionnés. Le premier, il refuse d'obéir à l'ordre, il dit: je ne peux pas manger avec la main droite, par fierté, par arrogance, par orgueil. Tandis que le deuxième, il dit: par Allah, je ne vais jamais reprendre une bague que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a jetée. Et donc ça c'est l'exemple de quelqu'un qui a la foi, l'exemple de quelqu'un qui met en implémentation les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je ne sais pas à quelle heure on doit s'arrêter. Si vous voulez, on peut s'arrêter maintenant. Donc, en tout cas, on a déjà fait un bon bout dans l'explication donc de la conférence. Je pense que il serait plus sage de s'arrêter maintenant. Comme ça, inshallah, demain matin, bi'iznillah, on aura la possibilité de continuer cette conférence, inshallah. Celui qui veut refaire son wudu ou bien faire des rak'at, inshallah, il a du temps maintenant d'en profiter, inshallah. Nous, on va s'arrêter ici. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته